Enfant du soleil, le monde dans mes sales mains. Une terre sans couleur, j'y croyais pas mais ça le devient. Les dates, les showcases, les foules, on verra ça demain. En attendant, concert gratuit dans ma salle de bain. Je pourrais t'expliquer l'avenir mais bon, je suis pas devin. On aperçoit l'horizon du haut d'un toit ouvrant. On est comme des vieux moulins, on va le vendre. On le suit sans savoir si on va dans le bon sens. Nique sa mère un bac plus, hein, qu'on a les codes. Même si ça foire plus jamais, je retourne à l'école. Les chemins les plus simples, ça nous ennuie comme cette sale époque. Hey hey, des jours avec et des jours sans. Je me sens mieux tout seul, allez-vous-en. À quoi bon vivre à l'unisson? Je sais même plus si je suis fidèle aux hommes. Soleil de plomb, je me suis brûlé les ailes sous un soleil de plomb. Rendez-vous là-bas là où le soleil se pointe. Je me suis brûlé les ailes, maintenant j'évite de plonger. Sous un soleil de plomb, je me suis brûlé les ailes sous un soleil de plomb. Rendez-vous là-bas là où le soleil se pointe. Je me suis brûlé les ailes, maintenant j'évite de plonger. Sous un soleil de plomb. Enfant du soleil, j'aurais resté banni les cités d'or. Genre d'un pavillon à l'heure où toutes les cités dorment. Trop foufou, combien de fois j'ai dû vesquer qui les porte. Cœur en plomb, mental d'acier, mais ma musique est d'or. Et quand viendra le jugement dernier qui fera gronder les trompettes? Quand les anges tomberont du ciel qui fera chanter les guitares? J'ai la haine quand je vois les petits ici frapper les pompiers. Et la crainte de voir ces petits plus tard finir au des jours tard. Avec et des jours sans. Je me sens mieux tout seul, allez-vous-en. À quoi bon vivre à l'unisson? J'sais même plus si je suis fidèle aux hommes. Soleil de plomb, je me suis brûlé les ailes sous un soleil de plomb. Rendez-vous là-bas là où le soleil se pointe. Je me suis brûlé les ailes, maintenant j'évite de plonger. Sous un soleil de plomb, je me suis brûlé les ailes sous un soleil de plomb. Rendez-vous là-bas là où le soleil se pointe. Je me suis brûlé les ailes, maintenant j'évite de plonger. Sous un soleil de plomb. Ouais. Ah. Pour mon gars Marlo, mon gars Lucci, Sima, Marius, Bilet, mon gars Raf, mon gars Bala, Conga, Agrid, 16, trop de place. Jeune B.E. Pa-pa-pao. Mira. Des jours avec et des jours sans. Je me sens mieux tout seul, allez-vous-en. À quoi bon vivre à l'unisson? Je sais même plus si je suis fidèle aux hommes. Soleil de plomb, je me suis brûlé les ailes sous un soleil de plomb. Rendez-vous là-bas là où le soleil se pointe. Je me suis brûlé les ailes, maintenant j'évite de plonger. Sous un soleil de plomb, je me suis brûlé les ailes sous un soleil de plomb. Rendez-vous là-bas là où le soleil se pointe. Je me suis brûlé les ailes, maintenant j'évite de plonger.